Francisco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. La nouvelle loi régissant la Cour suprême apporte des possibilités de recours aux justiciables qui n'en avaient pas. Elle a été adoptée ce mardi par la Chambre basse du Parlement. Vous en aurez les détails dans ce journal. Et le directeur général de l'Agence de promotion des investissements demande aux avocats et notaires de bien analyser les dossiers des investisseurs pour faciliter leur analyse. Dans ce journal également, on parlera du sport. Un analyste sportif, journaliste, qui suit de près le déroulement de la CAN en Égypte nous fera une analyse. Le Burundi n'a plus le droit de perdre un match pour avoir la chance de se qualifier dans la huitième phase de cette finale. Et l'examen de fin de cycle permet à l'apprenant de passer aux études de niveau supérieur. Ce sera l'objet de la chronique éducation à la fin de cette édition. Voilà pour les grands titres. Bonjour, les avocats et notaires burundais sont appelés à bien traiter les dossiers des investisseurs avant qu'ils ne soient déposés à l'agence de promotion des investissements API. Le directeur général de cette agence a formulé cette recommandation ce mercredi. C'était lors d'un atelier d'échange et d'informations avec ses avocats et notaires. Léonard Senhoré précise en outre que cela permettra aux investisseurs d'avoir des dossiers complets à déposer à cette agence. On l'écoute. Ce sont des partenaires incontournables dans la procédure de création de société parce que c'est eux qui préparent les documents exigés par l'API, notamment les procès-verbaux de l'Assemblée générale constituante des sociétés. Ça, c'est le côté des avocats. Et les notaires sont chargés de l'authentification de ces procès-verbaux. Cet atelier va nous aider à les sensibiliser sur les exigences légales, n'est-ce pas, qui doivent être mentionné dans ces documents requis par l'API pour la création de société. Et nous pensons qu'à la fin, ils auront des compétences ou des connaissances suffisantes pour pouvoir donc accompagner ou aider les créateurs de société pour que ces documents soient élaborés de manière conforme à la loi. Nous visons que les cabinets d'avocats, les notaires, soient sensibilisés ou même soient formés sur les procédures de création de société et surtout sur le contenu exigé par la loi des documents qui sont notariés par les notaires. Quand il y a des créateurs de société qui s'adressent à eux, qu'ils puissent faire des vérifications utiles avant d'authentifier ces documents. Et cela va permettre en fait que les créateurs de société ne fassent pas de va-et-vient entre l'API et le cabinet de notaire pour les corrections éventuelles si les documents ne sont pas conformes à la loi. Ceci en fait permet aux créateurs de société de gagner du temps. Le directeur général de l'API, l'agence de promotion des investissements, Léonard Senhoré. Les responsables des médias et journaux de la presse écrite et les journalistes au Burundi sont appelés au strict respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Le président du Conseil national de la communication, Nestor Bangomukunzi, a lancé cet appel ce mercredi lors de l'ouverture d'un atelier de formation des journalistes sur la couverture des différents processus électoraux au Burundi et la stratégie à adopter pour 2020. Certains ont demandé que plus de journalistes soient déployés dans différents coins du pays. Suivez Nestor Bangomukunzi, c'est le président du CNC. Le Conseil national de la communication est conscient que la couverture médiatique des processus électoraux requiert un savoir-faire supplémentaire, une préparation spéciale des journalistes affectés à ce travail. Et pour ce faire, la couverture médiatique des élections n'étant pas la première au Burundi, il s'est avéré bénéfique de puiser dans le passé afin de nous inspirer des aspects positifs et savoir quoi éviter. C'est ainsi que le thème retenu pour cet atelier et la couverture médiatique des processus électoraux passés, quelle stratégie pour 2020 ? Procédant à l'évaluation critique des prestations des organes de presse, le Conseil national de la communication, avec les responsables des médias d'ailleurs, ont constaté qu'un gap était à combler. Le constat de l'OMAC n'est pas différent. Le constat est que malgré les efforts consentis pour préparer les journalistes affectés à la couverture des différents processus électoraux, on a enregistré des ratés qui méritent d'être prévenus pour le processus qui s'annonce déjà. Le reportage des élections n'est pas en vain mot aujourd'hui au Burundi. Le pays chemine inexorablement vers la période électorale 2020. Vous êtes tous au courant des étapes déjà franchies en matière de préparation des élections de l'année prochaine. Bientôt, c'est l'annonce du calendrier électoral. Il est un impératif de nous y préparer en tant que médias, en tant que journalistes. Nestor Bangomukunzi, président du Conseil national de la communication, et le gouverneur de la province de Makamba demandent aux responsables des partis politiques de mettre en place des forats provinciaux et communaux des partis politiques en cette période préélectorale. Il a réuni ce mardi les responsables provinciaux et communaux des partis politiques agréés. Ces derniers affirment bien cohabiter, même si certains dérapages comme des réunions nocturnes sont signalés dans certaines localités. Jérôme Hakizimana. Selon ces responsables des partis politiques dans la province Makamba, le climat est apaisé sauf certains cas de bavure qui sont signalés comme des réunions nocturnes dans certaines localités. Pour le gouverneur de Makamba, dans le but de préserver cette cohabitation pacifique entre ces formations politiques, des forats provinciaux et communaux de ces partis doivent être mis en place. Gad Niukuri indique que ces forats joueront un rôle de cadre d'échange et traiteront des cas d'incompréhension entre eux avant de les porter à la connaissance des échelons supérieurs. Le gouverneur de Makamba trouve que la formation de ces forats permettra aussi une bonne consolidation de la paix avant, pendant et après les élections de 2020. Ces responsables des partis politiques à Makamba disent avoir apprécié la proposition du gouverneur. Ces forats seront plus bénéfiques pour tous, malgré leurs différentes convictions politiques, disait-il, en vue de consolider cette cohabitation interparti politique. Le gouverneur de Makamba, Gad Niukuri, promet de tenir de telles réunions une fois le mois. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ceux qui ont utilisé la plante Artemisia qui prévient le paludisme sont témoins des propriétés de cette plante. Ils l'ont dit ce lundi à Gitega lors de l'ouverture d'un centre de fabrication de ce médicament par la représentante de l'organisation ACC au Burundi, Ginette Karirekinyana, qui fait savoir que ce médicament est préventif mais pas curatif. Les détails avec Arthur Kavarouchi. Cette plante d'Artemisia qui a été utilisée dans la prévention de la malaria a déjà fait ses fruits dans la province de Rutana où cette plante a déjà été utilisée dans la commune de Kayogoro. Sept personnes qui ont utilisé ce traitement ont été guéries complètement. Dans la commune Ukemba, il compte 10 guéris et à Giharo, il y en a 11. Ginette Karekinyana, représentante de la CECI et directrice de Care Product, indique que ce projet n'est pas pour guérir la malaria, mais le prévenir. Notre projet n'est pas de guérir le paludisme, mais d'éradiquer le paludisme au Burundi. Pourquoi ? Parce que il ne suffit pas de se guérir quand on est malade. Il faut prévenir pour ne pas tomber malade. Alors pour cela, d'abord il faut éviter les piqûres de moustiques en utilisant tout ce qu'il y a, les lotions anti-moustiques, les savons anti-moustiques. Il faut nettoyer la maison avec des désinfectants répulsifs qui repoussent les moustiques et qui tuent les moustiques dans la maison. Alors, aussi, il faut utiliser les tisanes antiparasitaires, qui nettoient l'organisme et qui détoxifient l'organisme, qui déparasitent l'organisme. Cette responsable de Care Product interpelle les cultivateurs à cultiver cette herbe d'Artemisia du moment que ça pousse sur le sol burundais et qu'eux, ils vont les leur acheter pour les transformer et les commercialiser tant sur le marché national et international. Au programme national de lutte contre le paludisme, il leur demande de produire un rapport d'étude sur cela, qu'une recherche est en cours sur ce cas. Vous saurez que certains produits de Care Product sont en train d'être commercialisés sur le sol burundais. Arthur Kavawushi, Gitega, Radio Sanganiro. Merci Arthur. Et la mise en place d'une société de fabrication d'engrais organominéraux et de la chaux agricole au Burundi pourrait réduire de 50% les importations d'engrais chimiques utilisées par les agriculteurs. Mais d'après le directeur de la recherche au sein de la société FOMI, une usine de fabrication de ces engrais, Herménégilde Manyangé, cette société fait face à certains défis, à savoir notamment les coupures de courant électrique, ce qui rend difficile les activités de cette société. Aimé Richard Nyongourou. C'est la machine qui tourne en train de fabriquer la chaux agricole, l'une des composantes de la matière organique dont la plante a besoin. Elle doit être mélangée à d'autres matières afin de dégager une différence productive comparativement aux autres fertilisants classiquement utilisés par les agriculteurs, comme le précise Herménégide Demanyangé, le directeur de la recherche au sein de la société de fabrication d'engrais organominéraux et industrie, FOMI en sigle. Vous savez que le DAP qui est classiquement utilisé au Burundi contient des éléments majeurs, notamment l'azote et le phosphore, alors que notre engrais organominéral FOMI Imbura contient au moins 5 éléments, dont 3 éléments majeurs, l'azote, le phosphore et le potassium, et 2 éléments secondaires, le calcium et le magnésium qui trouvent l'origine dans la chaux agricole. Vous comprenez que 2 éléments, 5 éléments ne peuvent pas apporter même assiette que la culture a besoin. Néanmoins, les ruptures électriques et le manque de personnel outillé sont les premiers défis auxquels fait face la société de fabrication de ces engrais, comme l'indique toujours Herménégide Demanyangé. Il y a la coupure électrique, et si une société arrête 30 minutes, une heure de temps, vous comprenez que la société perd beaucoup de choses. Et une autre chose que je peux signaler, c'est que tout le personnel n'est pas spécialisé, alors qu'on avait besoin dans tel ou tel autre poste du personnel qui est spécialisé. Mais nous sommes en train de réformer ces places. Ça aussi, c'est un petit défi, mais un défi qui est en train de trouver solution pour le moment. Selon ce responsable, pour avoir ces fertilisants, les agriculteurs doivent continuer à se faire enregistrer au programme national de subvention des engrais au Burundi, PNC Bansigle, un programme qui est abrité par le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Le même ministère fait savoir que les fonds qui étaient alloués à l'importation des engrais classiquement utilisés vont diminuer en hauteur de 50%. Aimé Richard Niyonguru, et le marché de bétail de la commune Gashikano en province Ngozi manque d'eau, particulièrement son abattoir. Comme le dit le vétérinaire communal, une solution intermédiaire a été trouvée. Une association en charge de l'hygiène de cet abattoir puise en effet l'eau des rivières, des marais environnant ce marché en attendant l'adduction d'eau. Et les statistiques montrent que les consommateurs de drogue augmentent au Burundi. Et des fois, cela est causé par des parents qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger et ces derniers adoptent de mauvais comportements. C'est l'explication donnée par Richard Ninahazwe, coordinateur de l'association des anciens preneurs de drogue. Il demande à l'État d'apporter son appui en important le Netadol. C'est un médicament qui peut permettre aux consommateurs de drogue d'arrêter définitivement la consommation de cette drogue, de la drogue. Et c'est au moment où aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la consommation de la drogue et son trafic. Du sport maintenant, le Burundi ne devrait plus perdre un match pour avoir la chance de se qualifier dans la 8e de finale. C'est l'analyse du journaliste sportif Steve Derrick Ndizeye qui suit de près le déroulement de la CAN en Égypte. Il fait remarquer que les pays ayant marqué l'histoire dans le football africain ont pu gagner leur match dans la première phase de cette compétition. Suivez-le au téléphone avec Jean-Marie Vianney et Ndakoumana. C'est une compétition qui a bien débuté avec les plusieurs matchs, mais aussi avec des buts. Parmi les matchs qui ont été joués, il n'y a pas eu de match nul 0-0. C'est-à-dire que tous les matchs, il y a eu au moins un but. C'est un résultat positif pour cette première journée de cette CAN. Les équipes qui ont représenté la communauté est-africaine, sauf l'Ouganda, les autres ont été battues. Où se trouve le problème de cette défaite? C'est l'organisation et le manque de compétition dans la zone 5 de CECAFA. Tu vois qu'il n'y a pas eu de compétition de sélection nationale. En regardant le résultat de ces pays qui viennent de la communauté est-africaine, je pense que il y a un manque de compétition pour ces pays qui devraient aider ces pays à bien préparer cette CAN. Côté burundais, le premier match de l'équipe nationale Namba Mulugamba a été battu 1-0 par le Nigeria. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le Burundi puisse continuer ses compétitions? Le Burundi doit faire le tout pour gagner le match contre le Madagascar. Sinon, on n'aura pas de chance de se qualifier pour si on ne parvient pas à remporter les 3 points contre le Madagascar. Donc, on doit faire le tout pour gagner son match. Même si on peut faire match nul, on aura les chances, mais il ne faut pas espérer le troisième match parce que la Guinée aussi, c'est une nation de football, c'est une nation qui est plus que nous en regardant ses résultats et ses statistiques dans le match de football africain. Steve Derrick Ndizeye, journaliste sportif. La Chambre basse du Parlement a adopté ce mardi le projet de loi portant révision de la loi régissant la Cour suprême qui limite le nombre de membres de cette Cour à 15. Le ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, avance que ce projet de loi va donner des opportunités aux justiciables qui, selon elle, n'avaient pas d'autre recours après les décisions de cette juridiction. Le nombre de véhicules à exonérer pour les membres a suscité cependant des inquiétudes à l'Assemblée nationale. Elie Nibel Nibigira. Dans ce projet de loi, le justiciable a le droit de saisir le ministère de la Justice pour demander la révision des décisions de la Cour suprême, ce qui n'existait pas dans l'ancien texte, dit le ministre Aimé Laurentine Kanyana, pour une raison que les conditions d'interjeter appel après le jugement de cette juridiction étaient énormes. Mais il y avait un problème lié à la non-recevabilité du dossier à la Cour suprême parce que les conditions préalables ne sont pas remplies et le justiciable n'a pas d'autre recours. L'initiative du ministère pour que le jugement soit encore une fois entendu, échoue. Si ce ministère trouve des irrégularités dans son jugement, il sera révisé devant le siège de 5 membres au moins pour corriger ces irrégularités et statuer sur ce dossier. Le député Lazare Mvuyekure soulève ses inquiétudes sur les avantages des membres de cette juridiction prévue dans l'article 17 qui autorise l'exonération de leur véhicule tous les 5 ans. Moi, je trouve que ça serait de l'injustice à l'endroit des autres employés si on autorisait des avantages tous les 5 ans. Moi, je proposerais plutôt que cet avantage leur soit octroyé une seule fois pour les limiter, mais garder le principe de limiter le nombre d'importations. Le ministre Aimé Laurentine Kanyana explique qu'à part d'autres magistrats de cette cour, le président et le vice-président de la Cour suprême ne dépassent pas les mandats de 5 ans. Le député Gélas Nabilabe, de même que le président de l'Assemblée nationale Pascal Ngabenda, convergent sur l'exonération d'un seul véhicule durant l'exercice de leurs fonctions. À côté de ces amendements, ce projet de loi dispose que les greffiers de cette cour doivent au moins avoir un diplôme universitaire. Radio Isanganiro, chronique éducation. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle de l'examen de fin de cycle qui permet à l'apprenant de passer aux études de niveau supérieur, d'avoir un certificat ou un diplôme. Le psychopédagogue Dr Claver Kanawazé précise que cet examen est préparé par l'État à travers le ministère de l'Éducation. Il fait savoir que ces examens répondent aux besoins de sélection des apprenants. Les détails, c'est dans cette chronique signée Léonce Vitaliou. L'enseignement de base au Burundi est organisé en deux cycles, à savoir le cycle fondamental et celui post-fondamental. À part la sélection visant à déterminer le nombre d'apprenants qui passent d'un cycle à l'autre, suivant bien entendu la capacité d'accueil, Dr Pierre Claver Kanawazi explique que les épreuves sanctionnant la fin du cycle d'études montrent les performances et les connaissances acquises lors de l'apprentissage. Les épreuves de fin de cycle ont une grande importance. Non seulement elles permettent l'outil de sélection des élèves qui vont affronter les études supérieures, mais aussi elles vérifient, valident et certifient les compétences acquises par les apprenants pour une période donnée. Elles valident aussi la réussite ou l'échec par rapport à la norme. Selon ce psychopédagogue, cette évaluation a entre autres vocations l'évaluation de l'enseignement, apprentissage et la qualité de l'enseignement. Pour les élèves, ces épreuves permettent d'identifier le niveau des élèves et à découvrir les difficultés éprouvées. Pour les enseignants, ces épreuves permettent de découvrir, surtout en cas d'échec, les variables sur lesquelles il est possible d'intervenir afin d'adapter de nouvelles stratégies pédagogiques lors des enseignements-apprentissage des années ultérieures. Pour l'école, les parents et le système éducatif, ces épreuves permettent d'apprécier l'état et la qualité des enseignements-apprentissage en vue de prendre des stratégies pédagogiques appropriées. Ces épreuves permettent également d'établir un bilan d'action éducative pour une période donnée et classer les écoles. Parmi les défis de cette évaluation, Dr Pierre Claver Kanawazi note notamment l'inégalité dans les conditions d'apprentissage. Les problèmes liés à l'organisation et la prestation des épreuves de fin d'études existent et sont surtout lointains. On peut notamment citer le fait que les élèves affrontent ces épreuves n'ayant pas évolué dans les mêmes conditions. Ces épreuves sont supposées standardisées. Or, nous constatons une forte disparité entre les écoles en ce qui concerne les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Si l'égalité d'accès à l'école semble être garantie, l'égalité de traitement est loin d'être assurée, ce qui constitue une entrave pour le bon déroulement de ces épreuves. Donc, en fait, une équité dans le traitement des élèves dans l'organisation des écoles s'impose. Pour Dr Kanawazi encore, l'évaluation de fin de cycle est un examen très déterminant pour l'apprenant. Examen qui doit être minutieusement surveillé et bien corrigé par ceux qui en détiennent les compétences. Quant aux établissements scolaires, ils devraient, selon lui, être placés dans les mêmes conditions, tant en matériel qu'en personnel, afin que les épreuves soient faites dans l'équité. Merci Léonce Vitalio, merci Dr Kanawazé pour ces précisions. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Dorino Imana au micro Jean Bosco Imana. Un bon après-midi.